Le Grand Poucet compte en trois actes. Personnage. Poucet. L'ogre. Qui sont les personnages de la fable. Hortelès, qui est l'aubergiste et le bourgmestre du village. Le berger. Boas, le cordonnier. Bellegueule, l'homme de main de l'ogre. Janelle, l'ami d'enfance de Poucet. Rolande, sa fiancée. Grive, qui est la servante de l'ogre. Martoune, qui est la nourrice de Janelle. Et Madame Corneille, la sage-femme du village. Premier acte. Plantrose est un village. Ne me demandez pas de vous dire précisément où il est situé, je l'ignore. Il est peut-être quelque part sur la rondeur de la terre, en France ou bien ailleurs, mais je n'affirme rien. Le rideau se lève. Nous sommes dans la salle commune de l'auberge de Plantrose. La scène est vide d'abord. On entend sonner un carillon, puis Hortelès, l'aubergiste et le bourgmestre de Plantrose, le chapeau de travers, dans un état d'agitation extrême, entre par la porte de la rue. Il jette son chapeau sur une table, grimpe les marches du palier, ouvre la porte et crie « Martoune, Janelle, vite, vite, tout est changé, j'ai décidé de tout changer. Rassemblement du cortège à la porte d'enceinte. La fanfare s'y rendra la première, mais il faut que nous allions la rejoindre. Vite, vite. Et puis nous irons tous sur la route au-devant du carrosse. Ce sera plus respectueux que de l'attendre ici. Vous avez bien compris ?» Martoune, Janelle, Janelle, Martoune, avez-vous entendu? Où sont-elles? Déjà parties? Mais c'est de la folie! Il dégringole les marches, galope vers la rue, s'arrête net sur le seuil, revient vers la table, se coiffe de son chapeau, recourt vers la rue, s'accroche à un escabeau, manque de tomber, se rattrape, dit « c'est de la folie, c'est de la folie » et disparaît comme un tourbillon. La scène reste vide un court instant. Puis la porte de gauche s'ouvre et Janelle, suivie de Martoune, entre rapidement. Elles ont les bras chargés de fleurs fraîches. Janelle, vite, vite, Martoune, dépêchons-nous. Ne t'énerve pas, mon pigeon. Mais oui, je m'énerve. Te rends-tu compte qu'il sera là d'une minute à l'autre? Et puis après, qu'il arrive. Il nous trouvera les bras ouverts, le cœur fondu d'avance. Et s'il n'est pas pourri d'orgueil, notre amitié le touchera bien plus que tous les flonflons inventés par ton bourgmestre de père. L'un n'empêche pas l'autre, nourrice. Mon père accomplit son devoir de bourgmestre, en effet, et il a raison. Va toujours. N'empêche que cela fait pitié de voir un homme de bonne graisse et de loisirs suer le sang depuis 24 heures, déserter son commerce et ruiner la commune pour accueillir l'enfant prodigue. Ce n'est pas un enfant prodigue, qu'est-ce que tu racontes? Façon de parler, mon coquelicot. L'auberge peut bien chômer un jour, mon père est riche et la commune aussi. Calme-toi, mon abeille. Me calmer avec ce bonheur qui me court dans les veines. Comme tu es excessive. Il n'y a jamais de milieu avec toi, ou tu trépignes, ou tu es dans les nuages. Ah, nourrice, si tu savais, je crois que je donnerais toute ma vie et mon sommeil avec tous ces rêves, et le soleil même pour ce jour d'aujourd'hui. C'est inutile, on te les laisse par-dessus le marché. Depuis hier, je chante. Depuis que nous avons sa lettre, je chante. Tu as de la chance, moi je peste. Je chante pour moi, Martoune, et quand je m'arrête, j'ai le cœur qui ronronne dans ma poitrine et qui fait le gros dos. Et puis je danse toute seule et j'ai envie de m'applaudir. Je vais te dire, mon rossignol, tu as besoin de te marier. Comment? Tu es une sotte, Martoune, et tu ne comprends rien. Tu as le cœur sec comme un caillou d'Afrique et... Entre le berger. Salut à tous. Martoune, bonjour. Janelle, bonjour, berger. Le berger, ah ça, que se passe-t-il? Je vais au pâturage du haut avec mes moutons, j'ai campé la nuit sur la colline, j'en descends depuis l'aube. Et que se passe-t-il? Il n'y a personne au champ, la ville entière est dans le tintamarre. À la porte d'enceinte, je tombe sur un arc de triomphe en feuillage entrelacé de fleurs. Et les fleurs font des lettres, mais je ne sais pas lire. Les tables d'un banquet poussent sur la grande place. Les gens sont habillés de dimanche et semblent, quand on leur parle, ne pas vous voir et ne pas vous entendre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est donc la fête à Plantrose? Janelle, oui, c'est jour de liesse ici. C'est votre fête patronale? Non, fête du cœur. Nous attendons un enfant de chez nous qui était parti depuis 15 ans. Ah bah, un enfant qui est un personnage alors. Martoune, pardi. Janelle, est-ce qu'on vous a jamais parlé du petit Poucet, berger? Le Poucet? Celui qui a pris à l'ogre les bottes de 7 lieues? Je vous crois qu'on m'en a parlé. C'est lui qui arrive tout à l'heure. Le Pousset, le vrai petit Pousset. Martoun lui-même, Pousset de Plantes Roses, c'est ici qu'il est né. Mordieu, je veux voir ça de près. Je devais partir sur l'heure, mais je veux voir ça de près. Janelle, riant. Oh, ce qu'il est drôle. Tu l'entends, nourrice ? Imitant le berger. Mordieu, je veux voir ça de près. Le berger qui s'est arrêté. Drôle ? Et pourquoi, demoiselle ? Peut-être que vous ne vous doutez pas, comme nous en parlons souvent, du Pousset, nous autres, dans nos pacages de la montagne, quand nous voilà réunis autour des feux de broussailles le soir et que les bêtes s'allongent pour dormir. Peut-être que vous ne vous doutez pas de ce qu'il est pour nous, l'enfant qui connaissait les sortilèges. Vous faites erreur, berger. Pousset n'avait pas appris les sortilèges, et d'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Le berger, je n'ai pas dit qu'il les avait appris. Janelle, alors. Le berger, alors. Tenez. Je passe ici deux fois par an. Une fois je vais, une fois je retourne. Et chaque fois que je vois cette forêt de l'ogre qui dévale de la haute colline et qui vient mordre vos portes comme une bête sombre. Entre parenthèses, c'est à se demander comment vous pouvez vivre encore dans cette gueule ouverte. Martoun, où voulez-vous qu'on aille? Ici, c'est ça. Ailleurs, c'est autre chose. Peut-être. Toujours est-il que chaque fois que je l'aperçois, cette forêt toute noire, où nous n'oserions pas, même au plein du soleil, fourrer le bout de notre nez, je pense à cet enfantelé de 10 ans qui, un soir, s'est enfoncé là-dedans sans jeter un regard en arrière. Janelle, oui. Et là, que s'est-il passé, dites-moi, sinon le jeu des sortilèges? Que s'est-il passé pour qu'il ne soit pas dévoré par les bêtes, déchiré par les lianes, noyé par les torrents et pourri par le froid? Croyez-vous que la sève ne s'est pas arrêtée de couler pour lui ôter sa peur? Que les épines ne sont pas rentrées dans leur coque pour ne le point blesser? Que les animaux ne lui ont pas parlé le langage des hommes pour lui donner conseil? Et que la nuit, enfin, ne lui a pas jeté tous ses charmes aux pieds pour qu'il s'en serve et pour qu'il réussisse? Dites. Martoun. Oh, je vous en prie. Moi qui dors seul et qui ai peur dans mon lit tellement que je m'étouffe à me mettre à la tête dessous les couvertures, j'aime autant vous prévenir que je ne goûte pas beaucoup les histoires de ce genre. Pardonnez-moi, commère, vous avez raison, je suis là à laisser ma langue galoper toute seule. Janelle. Non, non, vous parlez bien, berger. Le berger. Mille grâces, demoiselle. Du reste, sortilège ou non, ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est d'avoir été débarrassé de l'ogre. N'est-ce pas? Martoun. Débarrassé, débarrassé. Quoi? Vous ne voulez pas dire que vous avez revu l'ogre? Martoun. Oh, lui, non, lui, on ne le voit jamais. Alors, celui qu'on voit, c'est le nègre. Le nègre. Oui, son nègre. Il a un nègre qui descend lui chercher des enfants. Non. Souvent? C'est toujours trop souvent. Et les hommes d'ici le laissent faire? Martoun, il y a 3 ans qu'il n'est pas descendu. Oh, et puis voyez-vous, berger, c'est là une chose dont on n'aime pas beaucoup parler non plus, à Plantes Roses. Le berger regarde Janelle qui est devenue pâle. Ah, bien. Je comprends, je comprends. Faites encore excuse. À vous revoir, demoiselle, il sort. Janelle demeure immobile, puis elle se reprend d'un seul coup, court vers la fenêtre et crie à la cantonade. « Restez donc au banquet, berger, vous y serez le bienvenu. C'est moi qui vous invite. »« Merci, demoiselle. » Janelle revenant. « Ah, Martoun, Martoun. Eh bien, pourvu que ce soit réussi. Oh, écoute, on attendrait le roi qu'on n'en ferait pas plus. On dit qu'il est très bien avec le roi. » »« Il paraît, oui. » Ça ne t'impressionne pas un peu? Non. D'ailleurs, on a beau me raconter qu'il a pris les façons de la cour, qu'il est marquis et messager du roi, et tout le tralala, je n'arrive pas à me représenter Pousset en grand seigneur. Janelle, oh, moi, si, très bien. Martoun, toi, tu as de l'imagination, c'est de ton âge, moi, j'ai de la mémoire. Et qu'est-ce que tu y vois dans ta mémoire? Que veux-tu que j'y voie? J'y vois un petit gamin qui jouait avec toi. Janelle, tout petit. Martoun, minuscule. Janelle, tout gentil. Martoun, quelquefois, pas toujours, qui tantôt me faisait pitié à force d'avoir faim, et tantôt me tournait les sangs parce que, quoi qu'on te dit, tu le suivais partout et qu'alors tu rentrais le soir, crotté jusqu'aux oreilles et couverte de boue. Quelle horreur! C'est pourtant ainsi, et je l'ai torché ou caloté plus souvent qu'à son tour, ton Pousset. Il a fait du chemin depuis, je comprends. 7 lieues par enjambée, c'est une jolie moyenne. Je ne parle pas de ça. Oui, oui, seulement avoue que s'il n'avait pas eu les bottes... Dis donc, il fallait d'abord aller les conquérir, les bottes. Tu en connais beaucoup, toi, à Plantes Roses ou bien ailleurs, et je ne veux pas seulement dire des enfants, mais des hommes, qui auraient l'audace d'aller chez l'ogre en décrocher une autre paire? Ma foi, non. Et ce n'est pas tout, parce qu'une fois les bottes en sa possession, il a fallu qu'il ait l'intelligence de s'en servir à bon escient. Je te l'accorde. Et depuis, pense un peu à tous les exploits qu'il a dû accomplir en prenant de la force et de l'âge. On ne devient pas grand messager du roi en soufflant dans son nez, j'imagine. Oh, mais comme tu t'échauffes, dirait-on pas que tu es son amoureuse ? Je ne suis pas son amoureuse. Je l'aime, ça n'a aucun rapport. Un garçon que tu n'as pas revu depuis l'âge de 8 ans ? Qu'est-ce que ça fait ? Il ne m'a pas quitté. Si ton père t'entendait, qu'il m'entende, où est le mal ? Tu l'aimes, enfin tu l'aimes comme on aime un frère. Ça, je n'en sais rien, je suis fille unique. Non, vois-tu, Martoun, personne au monde ne peut se douter de ce qu'est poussé pour moi. Personne ? Même pas ta nourrice ? Même pas toi. Et qui sait ? Même pas moi, peut-être. Elle embrasse Martoun. Ça t'arrondit les yeux, ma voix lactée. Que tu es folle. Oui, Martoun, je suis folle, je suis folle, je suis complètement folle. Elle monte les marches, puis s'arrête. Tu crois qu'il est resté aussi petit ? Martoun, ce serait dommage. Janelle, dommage. Pourquoi dommage ? Elle sort. Martoun reste seul un instant. Puis entre Madame Corneille, la sage-femme. Martoun, Martoun ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce qui m'arrive, ma chère, c'est une catastrophe. Je n'ai pas mis cette robe depuis le mariage de ma cousine Ormélie et la voilà qui pète à toutes les coutures. Veux-tu que j'essaye de te l'agrafer ? Tu es un amour, moi j'y renonce. L'important, c'est que le tissu tienne jusqu'à ce soir. Après, qu'est-ce que tu fais ? Martoun qui ferme les volets. Eh bien, je ferme. Je suis de la fête aussi, moi, dis donc. Entre Boas, le cordonnier. Non, non, on pourra me dire et me répéter tout ce qu'on voudra, j'affirmerai toujours que ce n'est pas sérieux. Martoun, qu'est-ce qui n'est pas sérieux ? Boas, les bottes, ou plutôt le carrosse. Martoun, quel carrosse ? Expliquez-vous, Boas. Bien sûr, peut-être que je ressens la chose plus vivement qu'un autre. Il faut être homme de métier pour saisir ces nuances. Et je suis cordonnier, n'est-ce pas, Madame Corneille ? Oui, oui, vous êtes cordonnier, c'est entendu. Et après ? Après ? Que voulez-vous ? Je n'arrive pas à comprendre que l'on possède des bottes pareilles et qu'on se serve d'un carrosse pour voyager. Martoun, pourquoi ? Poussé est libre pour une fois de prendre le train de tout le monde. Boas, admettons. Martoun, et ensuite il me semble, Boas, que vous oubliez les carrossiers. Mettez-vous un peu à leur place. Vous êtes carrossier, Boas. Vous fabriquez des carrosses. Et voilà-t-il pas qu'on vous sort des bottes de 7 lieues ? Pardon, pardon, vous n'allez pas comparer un carrossier à un cordonnier. Un carrossier, ça ne travaille que le bois, Madame Corneille. Oui, et alors, Boas ? Le bois, c'est toujours du bois, Martoun. Et le cuir, c'est toujours du cuir. Allons donc, le bois, c'est un végétal, ça n'a pas de sang. Tandis que le cuir, ça a vécu sur le veau, ça a vécu sur la vache, c'est encore plein de souvenirs vivants, de souvenirs de la vraie vie et de la mort. Madame Corneille, nous savons ce que c'est que le cuir. Mais non, vous ne le savez pas. Si vous saviez ce que c'est que le cuir, à quoi est-ce que je servirais, moi ? Et c'est bien parce que le cuir a un mystère, une mémoire, une existence à lui qu'on a pu fabriquer ces fameuses bottes. Quand on connaît le cuir, on ne s'étonne pas de leurs secrets. Vous avez déjà entendu parler de carrosses de 7 lieues, vous ? Non, n'est-ce pas ? Martoun, il n'y a pas de secret dans ces bottes, ce sont des faits. Madame Corneille, c'est bien connu. Boas, des faits. Encore un mot de bonne femme et qui ne signifie rien. Des faits. Il n'y a pas de faits. Martoun se signant. Dieu vous garde, Boas. Madame Corneille se signant. Il ne faut pas dire des choses pareilles, voyons. Boas, allons, allons, vous divaguez, rien d'autre. Et je suis prêt à parier 100 contre 1. Il est soudain interrompu par un cri d'enfant terrifié. Maman ! Venu du dehors, il se retourne vers la porte. À cet instant, un petit garçon tout éperdu fait irruption dans l'auberge et se jette dans les jupes de Martoun en criant. Maman ! Maman ! Martoun, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, ta mère ? Boas et Madame Corneille font un pas vers la porte. Mais il s'arrête brusquement. La tête d'un nègre vient d'apparaître de biais dans l'embrasure. Boas, Madame Corneille et Martoun. Ah ! Et sur le seuil, maintenant, s'encadre une sorte de géant noir admirablement découplé. C'est Bellegueule, l'homme de main et le rabatteur de l'ogre. Ils reculent tous en frémissant. L'enfant pousse un cri. Martoun vivement le fait passer derrière elle. Puis Bellegueule, indifférent, s'avance dans la pièce et tranquillement, sans regarder personne, va au comptoir, prend un pichet, se verse un verre de vin. Au dehors, un cri de femme. « François ! François ! » L'enfant. « Maman !» Tous, sauf Bellegueule, regardent vers la porte. Et une femme affolée surgit à son tour par la porte. La femme. « Mon petit ! Où est mon petit ?» L'enfant quittant Martoun et se réfugiant contre sa mère. « Maman !» La femme tient l'enfant serré contre elle. Bellegueule, qui allait boire, s'arrête, regarde avec mépris cette scène, hausse les épaules et ricane. Trop maigre. Puis il leur tourne le dos et boit. Aussitôt, la femme s'enfuit en emportant son enfant comme une proie. Belle-Gueule achève de boire, s'essuie les lèvres d'un revers de main et posément va vers la porte. Il est sur le seuil. Sur le point de partir, il se retourne. Beau temps aujourd'hui. Un de ces jours. Il sort. Ils restent tous figés. Puis Martoun se précipite sur la porte et la ferme violemment. Sainte Vierge, Madame Corneille, le voilà revenu, cette bête. Boaz, un jour comme aujourd'hui. Madame Corneille, c'est à crever de peur, je vous le dis. Qu'est-ce que nous allons faire? Brusquement, de grands coups dans la porte. Martoun, Seigneur, le revoilà. De nouveaux coups, puis. Eh bien, allez-vous m'ouvrir, oui ou non? Martoun, Maître Ortolès. Ortolès entre. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi cette porte est-elle fermée? J'ai tout changé, j'ai décidé de tout changer. On n'attend plus que vous à la maison de ville. C'est là que les guetteurs viendront nous annoncer l'approche du carrosse. Martoun, mais, Maître Ortolès, quoi? Le rabatteur de l'ogre. Et après, il sort d'ici. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, quoi? Oh, il n'y a pas de haut, il sort d'ici. Bon, c'est entendu. C'est la première fois que vous le voyez, oui? Si vous aviez fait comme les autres et si vous aviez pris des fourches pour le jeter dehors, vous n'auriez pas cet air de pauvres imbéciles. Boaz, comment? On l'a chassé? Ortolès, naturellement, on l'a chassé. Penses-tu que je ne sache pas donner des ordres en toutes circonstances et que j'ai peur d'un nègre le jour où l'on reçoit le marquis de Pousset? Martoun, pourtant. Tais-toi, je t'ordonne de te taire. Vous n'avez qu'à me suivre. Ah, grand Dieu, j'oubliais. Boaz, prends cette clé. C'est celle de la prison. Je veux que tu ailles ouvrir les portes de la prison. Il n'y a personne dedans. Justement, le geste sera fait et nous ne risquons rien. Martoun, très juste. Tais-toi, je t'ordonne de te taire. Mon cerveau bout à force d'inventer, je n'en ai pas l'habitude et cela me donne une transpiration qui m'inquiète épouvantablement. À présent, écoutez-moi bien. Je me résume. Le cortège se forme sur la grande place. Je suis devant, tout seul, comme de bien entendu. Et il est interrompu par l'arrivée d'un jeune homme qui s'encadre dans la porte restée ouverte. Il porte une grande cape de voyage qui recouvre ses vêtements. Il est souriant, sympathique, désinvolte, c'est Poussé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ortolès, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Quoi, vous? L'auberge est fermée. Elle est ouverte, c'est entendu, mais elle est fermée. Veuillez considérer cette auberge ouverte comme fermée. Bien, bien, mais c'est moi tout de même. Ce qui m'attriste, c'est que je ne sais pas si je vous connais. Depuis que je suis entré dans la ville, je m'aperçois que je n'y reconnais rien ni personne. Tout a-t-il donc changé à ce point? Changé? Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Je suis bien à Plante Rose. Vous y êtes? Comme c'est étrange. J'avais gardé de Plante Rose une image, ou plutôt des images, oui c'est ça, tout un album de belles images dont je m'amusais à tourner les feuillets en moi-même. Je n'en retrouve plus rien aujourd'hui. En quoi cela nous importe-t-il, monsieur? Oh, en rien, bien sûr. Mais pour moi, quelle déception. Tenez, la rue des Herbes Folles, par exemple. Je la revois encore avec ses larges pavés d'orfin et ses maisons de pierres précieuses. Boaz, des pavés d'orfin, Madame Corneille, des pierres précieuses. Et combien d'autres choses encore. Mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps, tout ceci ne regarde que moi. Au revoir, mes amis. Indiquez-moi seulement où est la maison de ville, c'est là qu'on m'attend sans doute, et... Ortolès, on vous attend à la maison de ville. Du moins, je le suppose, car les rues sont quasi désertes. Et comme j'ai pris soin d'annoncer ma venue... Ah ça, mais qui êtes-vous, monsieur? C'est vrai, j'aurais dû me nommer plus tôt, d'autant que vous êtes sûrement au courant. Je suis Pousset. Tous. Vous dites? J'ai pensé que ce serait plus gentil d'arriver sans tambour ni trompette. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Ce sera moins cérémonieux, moins guindé, moins officiel, et partant plus cordial. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas pressé, figurez-vous, et j'ai voulu tâter d'un carrosse. C'est une absurdité. Et que c'est fatigant, mon Dieu, cet interminable trajet, chaotique, chaota, dans une abominable voiture mal suspendue. Ah, on ne m'y prendra plus, je vous le jure. Ortolès, mais... Aussi, au dernier relais, je n'ai fait ni une ni deux. J'ai lâché ma voiture et mes gens, j'ai pris mes bottes, et hop, et je suis bien content. Bonjour, mes amis, comment vous appelez-vous? Ortolès, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je me garde de plaisanter. Le relais est à trois lieues, pensez, une enjambée, même pas la moitié d'une. Boaz, quoi? Vous auriez les bottes? Mais naturellement. Il sort de sous la cape une paire de bottes qu'il tenait vraisemblablement à la main, et il les lance sur la table en disant, c'est bonne grosse. Et hop! Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tous. Ça, les bottes de sept lieues? Martoun, les bottes de l'ogre? Madame Corneille, les bottes fées? Boaz désignant Poussé. Et ça, Poussé? Ortolès. Et vous vous êtes imaginé que nous allions tomber dans le panneau? pousser quel panneau, Portelès? Vous vous rendez compte? On organise un cortège, on prépare une réception, on écrit un discours, et le bon Dieu permettrait que la chose ne se passe pas comme on l'a calculé? Je ne pouvais vraiment pas prévoir, Portelès. Assez, monsieur, assez. J'ignore quel est votre but. Oui, monsieur, je l'ignore. Nous nous en occuperons demain. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que la prison de Plante Rose n'est pas faite pour les chiens. Et qu'est-ce que vous dites, la prison, Madame Corneille? Elle est construite avec des briques en or, Martoun, et il y a des cygnes qui nagent dans les baquets. Vous voulez me mettre en prison, Hortelès? Oui, monsieur, en prison. J'ai dit qu'on l'ouvre. Elle est ouverte, c'est entendu, mais elle est refermée. Veuillez considérer cette prison ouverte comme refermée. Sur moi? Hortelès. Oui, monsieur, sur vous, tous. Oui, c'est ça, parfaitement, en prison, en prison. Bien, par exemple, si je m'attendais à un accueil pareil. Hortelès. Usurpation d'état civil, insulte à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, fauteur de troubles au cours d'une cérémonie publique. La porte du palier s'ouvre, paraît Janelle plus ravissante que jamais dans sa jolie robe. Elle aperçoit Pousset. Pousset ! Janelle ! Et elle se jette dans ses bras. Mon petit Pousset ! Ma petite Janelle. Tous. Non, non, non, Janelle, ce n'est pas lui. Martoun. Janelle, ma colombe, tu perds ta réputation. Hortelès. Janelle, veux-tu lâcher cet homme immédiatement? Et vous, avez-vous fini d'embrasser ma vie, vous? Dites donc. Mais c'est Poussé, père, c'est mon petit Poussé. Vous n'allez pas m'empêcher d'embrasser Poussé. Hortelès. Mais non, on te dit que non, sacrebleu, pas du tout. Ah ça, allez-vous cesser, vous, tous. Ce n'est pas lui, Janelle, ce n'est pas Poussé, tu te trompes, c'est un faussaire. Nous venons de le démasquer. Comment? Ils ne te reconnaissent pas? Ils croient que tu n'es pas Poussé? Et ils veulent me mettre en prison. Ils éclatent de rire tous les deux. Ah, bien sûr, tu as grandi. Aux autres. Il a grandi, mais c'est lui quand même, voyons. Vous n'avez donc que vos yeux pour y voir? À pousser. On s'embrasse? Tu penses? Il s'embrasse. Hortelès. Hein? Quoi? Mais c'est de la folie! C'est de la folie! On entend une voix d'homme en coulisses. Le carrosse! Le carrosse! Le carrosse a une lieue! Tous affolés. Jésus, Marie, le carrosse, le carrosse, le carrosse. Nous allons tout rater. Maître Hortelès, vite, vite! Boas et Madame Corneille sortent en se bousculant. Hortelès. Eh bien, où allez-vous? Attendez-moi! Boas, Corneille! Revenant. Janelle, écoute-moi bien. Pour la dernière fois, je te répète que tu es victime d'une grossière erreur. Martoun. Oui, Janelle, mais c'est vous, père, qui faites erreur. Encore un coup, je vous affirme que j'ai quitté mon carrosse, que je l'ai précédé. Il arrive, naturellement, mais il arrive sans moi. Là, vous voyez, père. Hortelès, un filtre, il lui a fait boire un filtre. Martoun. Janelle, ma brebis, tu n'es pas raisonnable. Voix en coulisses. Le cortège, maître Hortelès, le cortège s'ébranle. Le cortège est en marche. Vite, vite, vite. Hortelès, le cortège sans moi? Janelle, voilà ce que tu fais. Janelle, tu auras tellement honte tout à l'heure, je te connais, que tu ne trouveras plus où cacher ton visage. Janelle, je te laisse, tu entends? C'est bien, tu n'auras plus assez de jours pour pleurer et pour te repentir. Quant à vous, mon petit monsieur, vous ne perdez rien pour attendre. Je vous enferme ici et je vous règle votre compte à mon retour. Viens, nourrice. Maître Hortelès, maître Hortelès, maître Hortelès. Oui, oui. Ah, mon Dieu. Allez, nourrice, mes jambes flageolent. Oui, je viens, je viens. Soutiens-moi. Je viens, je viens. Vite, vite, vite. La porte se referme, on entend la clé tourner bruyamment dans la serrure. Poussez. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Nous sommes prisonniers. Janelle, ce que c'est drôle. Poussez, essayant d'ouvrir la porte. Prisonnier, tout ce qu'il y a de plus prisonnier. Janelle. Dans la prison de Nantes, il y avait un prisonnier que personne n'allait voir que la fille du geôlier. Poussez. Le grenier, tu te rappelles? Janelle va prendre une cruche et un verre qu'elle pose devant Poussez. Bonjour, monsieur le prisonnier, je vous apporte à boire et à manger. Poussez enlève son manteau. Oh là là, est-ce que tu es bien habillé pour un prisonnier? Il rit. Poussé lui prend les mains. Que tu es devenue gracieuse. Comme c'est bien d'avoir cru que mon enfance était perdue tout à l'heure et de la retrouver maintenant telle que toi seul me la rapporte. Janelle, c'est long, 15 ans. Pour tous les gens qui vous aident à grandir, on a l'air d'avoir les yeux fixés sur l'avenir comme les autres. Mais si je te disais que pour moi, ces 15 ans-là se sont passés à me demander comment est-il? Qu'a-t-il fait de cette vie qui lui était livrée? Eh bien, je crois que je l'ai rapidement séduite. Raconte, raconte. Lorsque tu t'en es allé, il y avait la guerre. Oui, c'est même grâce à la guerre. Oh, bravo, bravo, je l'avais deviné. Tu l'avais deviné? Je t'ai suivi partout, Poussé, t'enrôlant aux bannières royales, agissant seul et vite, terrorisant l'adversaire, coupant ses communications, arrêtant ses convois et brûlant ses réserves. Ah non, non, pas du tout. Je crois que j'ai été beaucoup, beaucoup plus malin. Ah oui, je vais droit à la capitale, au contraire. Je conte mon histoire, elle se répand, et le roi, ma chère, le roi lui-même me mande auprès de lui. Le roi, comme ça, tout de suite, parfaitement. Mon Dieu, comment est-il le roi? Il est bossu. Non. Et comme il ne faut pas qu'il s'en aperçoive trop devant lui, tout le monde se tient comme ça. Il arrondit le dos. Toi aussi? On s'habitue. Oh, qu'est-ce que tu as? Moi, rien. Et alors? Et alors, il était en grand deuil de l'armée, figure-toi, qui combattait à 400 lieues de là, sans nouvelles depuis 8 jours. 400 lieues, lui dis-je, en courant fort, j'en ai pour 3 minutes. En réalité, j'en ai mis 10 à cause du général en chef qui avait égaré ses lunettes et qui voulait écrire de sa propre main l'annonce de la victoire. Mais ça ne fait rien, le roi n'arrêtait pas de se frotter les yeux. Janelle, ces braves petites bottes tout de même. Poussé. Du coup, me voilà fait marquis et messager du roi. Un palais, des émoluments somptueux et un brevet de capitaine. De capitaine? Alors c'est là ce que je te disais, tu demandes à rejoindre ton régiment. Je n'avais pas de régiment. Quoi? Capitaine sans régiment? Naturellement, le titre suffisait à simplifier mes rapports avec les officiers. Quel rapport? Mais j'appartenais à l'état-major, mon petit. Ah, bon, tu dirigeais les opérations. Mais non, voyons, j'apportais chaque jour les ordres du gouvernement. Et c'est tout? Non, je rédigeais le communiqué. Tu rédigeais le communiqué et tu apportais les ordres. Les ordres? Et puis des lettres aussi. Toutes les dames de la cour me chargeaient de lettres d'amour pour leurs amants qui étaient aux armées et elles me couvraient de cadeaux. De cadeaux? D'autres qui étaient mariés me donnaient également des lettres pour leurs maris, mais il faut avouer qu'elles se montraient beaucoup moins généreuses. Mais alors, tu faisais le facteur? Poussé, qui prend cette réflexion pour une plaisanterie. Si tu veux. Et après, Poussé, et après la guerre, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait partie du défilé dans les rues de la capitale. Ce n'est pas cela que je te demande. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait de toi? La vie, Janelle, ma vie magnifique. Ah, tant mieux. Tu craignais que ma vie ne fût pas magnifique? Peut-être, je ne sais pas au juste. Alors raconte, raconte ce que tu fais. Tu veux que je te décrive ma vie de tous les jours? Mais bien sûr. Donc, je commence par me réveiller, ou plutôt mon laquais, Janelle. Oui, peu importe. Je m'étire, je baille. J'ai une peine à sortir du sommeil que tu ne peux imaginer. Il paraît même que je suis extrêmement comique à voir. Pendant un grand quart d'heure, je ne comprends strictement rien à tout ce que l'on me dit. C'est alors que je n'arrête pas de bâiller. Supposons que tu aies fini de bâiller. Je sors une jambe du lit. Oui, puis l'autre, poussé. Puis l'autre, en effet. Mon laquais me passe un haut de chausse. Et je cours au lever du roi, au grand lever naturellement. Au petit n'assistent que les princes du sang et les hauts dignitaires. Le roi paraît, nous nous inclinons, il passe, et je me précipite au grand lever de la duchesse de Mantes, la favorite. La favorite? Oui, il faut y être vu, c'est extrêmement important. Il y a encore beaucoup de gens à regarder se lever. Non, c'est fini. Janelle, tant mieux. Et après? Après, c'est l'heure de la messe, et ensuite, ma foi, c'est le dîner. Je le prends seul, chez moi, ou bien de compagnie. Passe, passe. Tu ne veux pas que je te décrive ces repas admirables? Non. Ensuite? Non? Bien. Ensuite, cela dépend des jours. Il advient que l'on m'envoie en mission. Ah, bon. Mais c'est rare. Je ne m'occupe que des cas d'urgence. Janelle, des ambassades délicates, poussées. Pas délicates, urgentes. Il ne s'agit jamais d'ailleurs que d'un pli à porter, d'un autre à ramener. Ma raison d'être, c'est ma vitesse. Aller-retour, aller-retour, toc-tac, toc-tac. Ce sont là tes voyages? Eh oui, peut-on nommer voyage ces courses hallucinantes? Mais encore une fois, c'est exceptionnel, heureusement. Où en étions-nous? Ah oui, à l'après-dîner. Janelle, à l'après-dîner, c'est ça, poussé. L'après-dîner, c'est merveilleux. 3 jours par semaine, la reine tient un grand appartement au salon du palais. La foule est telle, mon petit, que c'est un travail d'un après-midi entier pour passer d'une pièce à l'autre. Ce serait pénible, n'était le monde exquis que l'on coudoie. Et quand tu es arrivé à la pièce où tu voulais aller? Je dis du bien de tout le monde et je m'assieds quand je peux. Tu t'assieds? Oui, et je joue jusqu'au crépuscule. J'adore jouer. Nous jouons à des jeux ravissants, à la bassette, au reversi, au petit paquet. Si tu aimes les cartes, je te les apprendrai. D'ailleurs, je paie régulièrement. Le soir arrive, Janelle, le soir déjà, poussée. Le soir et les promenades, à cheval dans le parc, en gondole sur les canaux, avec des musiciens, c'est adorable. On revient à 10 heures, on trouve la comédie ou le ballet. Minuit est là, on fait médianoche et je rentre me coucher. Et tout cela, Janelle, ce n'est que l'existence ordinaire. Janelle, ah, tout de même, il y a parfois de l'extraordinaire. Tu penses, il y a les bals parés, les bals de la reine, il y a la chasse, les tournois, il y a les concerts privés, il y a le carnaval, il y a le jeu de paume, il y a les soupers fins où l'on s'entraîne à boire 12 coupes de champagne dans le temps que minuit sonne, ses 12 coups. Janelle, et puis, mais dis-moi, ce n'est déjà pas mal. Il n'y a pas autre chose? Cherche, poussée, cherche bien. Non. Ou plutôt, bien sûr, il y a autre chose. Enfin. Oh, pas depuis longtemps, depuis 3 mois, Janelle. Je ne voulais pas t'en parler, mais tu as raison d'insister. Pourquoi te la cacher, cette chose qui me rend si heureux? Heureux? Ah, heureux, ma chérie, comme tu seras heureuse un jour quand tu aimeras quelqu'un qui t'aimera. Non, je ne voulais pas t'en parler. Est-ce bête, cette superstition qui vous retient toujours de crier son bonheur? Je ne savais pas ce que c'est que l'amour, Janelle, et maintenant je le sais. L'amour? C'est dans le monde où tu vis que tu as pu apprendre ce que c'est que l'amour. Et où l'apprendre mieux, je te prie, que dans ce monde d'enchantement. Elle s'appelle Rolande. Elle a le même âge que moi. Ses cheveux sont blonds, d'un autre blond que les tiens, presque roux. Elle est veuve du comte de Racoval. Oui, Janelle, Racoval, un des plus grands noms du royaume. Mais elle-même est née Hortemère et Cheville, ce qui est considérable. Depuis 3 mois, je l'aime et elle m'aime. Dans 2 jours, je serai à son château. Dans 2 jours? Je vais les chercher. Le carrosse, c'est beaucoup pour cela. Il faut un équipage. Tu verras celui que j'ai choisi. Je crois qu'il est digne d'elle. Mais alors, pourquoi es-tu venue? Pour te voir, ma chérie. Plante Rose était presque sur mon chemin, je pense, si j'en ai profité. Sur ton chemin? Et je ne pouvais guère m'arrêter qu'à l'aller, puisque nous retournons ensemble à petite journée vers la capitale, où tout est prêt pour fêter nos noces. Tu te maries, Pousset? Oui, Janelle, elle consent à m'épouser. Ah, vois-tu, depuis 3 mois, je vis dans une sorte d'éblouissement. Jamais je n'avais imaginé que tu te marierais ainsi. Et moi donc, même pas en rêve, Janelle, car malgré cette féerie qui a donné son visage à toute ma jeunesse, jamais, non jamais, je n'aurais eu la hardiesse de lui rêver pareil couronnement. Et tu l'aimes, Pousset? Si je l'aime? Ah, tiens, je ne t'aurais pas retrouvé, toi et tout ce que pour moi tu représentes. Je crois que je serais reparti ce soir même. Janelle chancelle et tombe sur une chaise. Janelle, qu'est-ce que tu as? Janelle, mon petit, ma petite fille chérie. On entend les cloches sonner, puis 4 coups de canon. Janelle, je t'en supplie, réveille-toi. Mon carrosse arrive, ton père va revenir. Janelle! Pousset. Comment te sens-tu? Quelle faiblesse t'as prise tout à coup? Ça va passer. Ce n'est rien. La chaleur, la fatigue, ça va mieux. Tu es toute blanche. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci. On entend un murmure de voix. Broie. Pousser. Les voilà tous qui reviennent, il doit faire une de ces figures. Tu vas voir, on va bien rire. Janelle, oui, c'est ça, on va rire. Pousser. Écoute, sais-tu ce que nous allons faire? Je vais chausser mes bottes, je te prends dans mes bras, et nous partons ensemble, nous deux, rien que nous deux, faire un grand voyage d'un quart d'heure avec les bottes de cet lieu. C'est dit? On ira vite. Tu verras les maisons à l'envers, la terre plate comme du lait, les champs comme un damier, les oiseaux effrayés, et les images du monde te rentrer dans la tête avec le bruit du vent. Veux-tu? La porte s'ouvre. Entre Hortelès, suivi de Martoun, de Boas et de Madame Corneille. La rue est pleine de gens que l'on entend et que l'on devine plus qu'on ne les voit, car les volets des fenêtres sont restés clos. Seule la porte est ouverte. Hortelès. Ah, monseigneur, je suis confus, je suis désespéré. Jamais vous ne me pardonnerez. La foule. Vive Pousset! Oh, je vous en prie, maître Hortelès, ne parlons plus de ce qui s'est passé. Il lui serre la main. Soyons tout à la joie. Il va vers la porte accompagné par Hortelès. Boas, hypnotisé par les bottes qui sont restées sur une table, se dirige droit vers elle et se met à les examiner avec soin. Pousset est près de la porte. Pousset. Bonjour, mes amis. Il passe dans la rue. Et salut à tous. La foule. Vive Pousset! Vive Pousset! Martoun qui est resté près de Janelle. Comme tu es pâle, Janelle, qu'est-ce que tu as? J'ai mal, nourrice. J'ai très mal. Qu'est-ce que tu dis? Il en aime une autre, nourrice, il me l'a dit, on me l'a volé, car moi aussi je l'aime, entends-tu? Je le sais maintenant, c'est d'amour que je l'aime. Poussé de la porte et à la cantonade. Merci, mes amis, Je suis tout heureux de me retrouver parmi vous. Dans un moment, nous serons attablés de concert et nous nous réjouirons ensemble. Précédez-nous au lieu du festin, nous vous y rejoindrons. La foule, bravo, bravo, vive Pousset, vive Pousset. Pousset revenant. Oui, oui, il me semble maintenant que je les reconnais tous. Ortelès désignant Madame Corneille. Madame Corneille. Elle fait la révérence. Pousset. Madame Corneille. Il lui serre la main. Ortelès désignant Martoun. Et Martoun. Martoun. Ah, elle, il faut que je l'embrasse. Martoun qui pleurerait presque. C'est le petit Pousset. Ortelès. Et Boas, le maître cordonnier. Pousset. Qui regarde mes bottes, le vieux curieux. Boas. Eh oui, monseigneur, pardonnez-moi. Pousset à Ortelès. Et maintenant, messire, j'ai une permission à vous demander. Ortelès. Une permission à moi, monseigneur? Oui, voilà. J'emmène Janelle se promener en botte de 7 lieues, dans mes bras. Oui, comme ça. Oh, un petit tour de rien du tout, rassurez-vous, 10 minutes, 15 au plus, pas davantage. Et nous revenons bien vite nous asseoir près de vous pour présider la fête. Accordé? Mais, monseigneur, Pousset, accordé, merci. Janelle, en route. Es-tu prête? Janelle, oui, Pousset. Allons-y. Il va vers la table où sont les bottes, enfile une de celles-ci. Elle craque et le pied passe au travers. Quoi? Quoi? Fébrilement, il prend l'autre, l'enfile, elle craque aussi. Diable! Elles sont décidément très usées. Il se lève. Enfin. Allons-y, Janelle, ça marchera très bien quand même. Écartez-vous, mes amis, vous n'aurez seulement pas le temps de nous regarder passer. Pousset prend Janelle dans ses bras. Et hop! Il fait une enjambée et retombe sur place. Alors très nerveux, anxieux, tapant du pied et sur un ton de commandement. Allons, allons, 7 lieues s'il vous plaît. Et hop! Une enjambée encore et de nouveau il retombe sur place. Il pose Janelle à terre, va s'asseoir sur le banc. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Et toi Janelle, tu me joues un tour et tu ne ris pas? Un tour? Quel tour Pousset? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui, oui, oui, belle innocente, va toujours. Un tour, quel tour, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu m'as caché mes bottes et que tu m'as mis celle-ci à la place, pardi. Moi? Je n'aurais pas eu le cœur de faire des farces en ce moment, Pousset, je te jure que je n'y ai pas touché. Quoi? Tu dis vrai? Je te le jure. Alors c'est quelqu'un d'autre. C'est vous, Boas? Jamais de la vie, monseigneur, jamais je ne me serais permis... Permis, permis, tu me les as volés. Allons, à vous, tu pensais avoir le temps de filer avec, hein? Madame Corneille, oh! Bon, j'espère que vous plaisantez, monseigneur. Ortelès, vous vous égarez, monseigneur, il n'est ici que des gens honnêtes. Pousset, je vous demande pardon. Mais ce serait épouvantable. Il enlève ses bottes. Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il les examine de près. Mon Dieu! Janelle! Qu'est-ce qui t'arrive, Pousset? Qu'est-ce que tu as? Janelle, mon petit! Mais dis, dis, qu'est-ce que tu as? Je suis perdu, Janelle. Mes fées sont mortes. Boas a poussé. Faites voir, Pousset. Et qu'est-ce que vous voulez voir? Elles sont mortes. Eh bien, vous les cadavres? Boas, je saurais peut-être les arranger, messire. Pousset, il faudrait être Dieu, bonhomme. Il jette violemment les bottes par terre. Perdu. Je suis absolument perdu. Janelle. Non, non, Pousset, tu vaux mieux à toi seul que toutes les fées du monde, puisque celle-ci t'obéissait. Non, tu n'es pas perdu. Ortelès. Janelle a raison, monseigneur. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Monseigneur. Il n'y a plus de monseigneur, maître Ortelès. Il n'y a plus ici qu'un homme dépossédé de sa seule richesse et de son seul pouvoir. Janelle. C'est faux. Ton seul pouvoir et ta seule richesse, c'est en toi qu'ils étaient. Pousset, il faut croire que je les ai perdus aussi. Janelle, tais-toi, ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi qui peux parler de cette façon-là. C'est le mannequin qu'on a fabriqué loin de nous et dont tu m'as décrit tout au long les journées misérables. Ortelès, te rends-tu compte de ce que tu dis et à qui tu le dis, mon enfant? Pousset, laissez, maître Ortelès. Elle ne peut pas comprendre. Il s'agit là, Janelle, d'une misère qui m'a comblé et je n'en veux pas d'autre. Janelle, et moi je te jure que cet accident va te sauver peut-être et te fournir la chance de te retrouver toi-même. Martoun, tu vas trop loin, mon friquet. Janelle, et vous, Boas? Vous n'entendez pas non plus ce que je veux lui dire? Boas, si, Janelle, mais il est jeune, et peut-être que tu exiges trop de sa jeunesse. Pousset, oui, je suis jeune, et il ne faut pas qu'on m'en demande trop. Si mes faits me manquent, je ne suis plus rien. Il n'y a que ce qu'elles m'ont donné qui compte. Je ne veux pas y renoncer, Janelle. Je ne veux pas renoncer à la vie qu'elles m'ont faite. Cela est impossible. Et je suis irrémédiablement perdu si je n'en trouve pas de nouvelles. Madame Corneille, de nouvelles? Comment de nouvelles? Oui, d'autres. Il me faut d'autres bottes. Janelle, ah, non. Tu ne songes pas à retourner là-haut, n'est-ce pas? Si, j'y songe. Mais Janelle, il n'y a rien d'autre à faire. Boas, comment vous voulez retourner chez l'ogre? Poussé, oui, tu seras assassiné. C'est ce que nous verrons. Adieu. Ils se dirigent vers la porte, tous. Monseigneur, non, monseigneur, poussez! Ils s'arrêtent brusquement. Le chemin. J'ai oublié le chemin. Hortelès, le chemin de la maison de l'ogre? Oui. Boas, mais il n'y a que vous qui l'ayez jamais connu, monseigneur. Madame Corneille, personne n'oserait se risquer dans la forêt de l'ogre. Et vous, maître Hortelès, vous qui êtes le bourgmestre de ce pays, est-il possible que vous ne sachiez pas non plus par où l'on doit passer? Hortelès, non. Non, monseigneur, et évidemment, j'ai entendu raconter bien des choses. Je suis le bourgmestre, naturellement. Poussé. Ah, ceci, alors, est aussi terrible que le reste. Voyons. J'en ai eu pendant des années le plan buriné dans la tête. Et jadis, quand je suis revenu de là-bas... Mais, Janelle, je ne me trompe pas. Janelle, tu le sais, toi, le chemin de l'ogre. Je te l'ai dessiné dans le sable. Tu te le rappelles, dis-toi, qui n'as rien oublié. Tu te le rappelles? Oui, Poussé. Alors, vite. Non, Pousset. Comment? Je ne te le dirai pas. Tu n'as pas le droit de faire ça, Janelle. Si, Pousset. Tu n'en as pas le droit et tu vas me le dire. Non. Pousset, laissez-nous seuls, je vous prie. Hortelès, Martoun, Boas et Madame Corneille sortent dans le plus grand silence. Janelle. Je ne veux pas que tu meures. Tu as toujours été ma part de tendresse et de compagnie. Je ne te dirai rien. Indique-moi le chemin, Janelle. Indique-moi le chemin que je t'ai enseigné. Non. C'est la première fois que tu refuses de me donner ce qui me manque alors que tu le possèdes. Et c'est au moment que tu me retrouves, au moment où j'ai besoin de toi, que tu me le refuses. C'est parce que tu as besoin de moi que je refuse. Ne sois pas entêté. Tu ne peux pas avoir oublié que je le suis davantage que toi. Jadis, tu te mettais en colère et tu m'appelais ta tête dure. Tu sais très bien que j'irai quand même dans la forêt. On ne risque rien dans la forêt. J'y suis allé seul maintes fois pour y rechercher ta trace. Ainsi, ce chemin, tu le connais mieux encore que de simples mémoires. Oui, et tu ne veux pas me le dire. Non. Je croyais que tu m'aimais un peu, Janelle. Je t'aime au point d'en mourir, mais non pas au point que tu en meurs. Pourquoi parler toujours de mourir? Ai-je l'air d'un homme qui veut se suicider? Qui te prouve seulement que j'aurai à me battre? C'est l'ogre qui te le prouvera quand vous serez face à face. Ce gros morceau d'olibrius ronflant que l'on doit empaumer comme un dindon de foire, allons donc. Tu verras à quoi te serviront tes ruses de courtisan devant la gravité du monde et la peine de vivre auxquelles tu n'as plus fait leur part. Il n'y a ni mal ni peine lorsqu'on a de la chance. Apprends-moi le chemin, Janelle. Non, Pousset. C'est bien. J'irai au hasard. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'obstine à te questionner. Sur le coup, tout à l'heure, j'avais l'esprit bouleversé. Ça va mieux à présent. Il suffit que je fasse un effort et peu à peu, tous les détails vont m'en revenir. Voyons. En sortant de la ville par la porte d'enceinte, il faut prendre à droite, suivre le bord de la rivière et longer le vallon. C'est là que sont les premiers arbres. Sous les arbres, il faut gagner le rond-point de la source. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est très facile. À la source, il y a deux sentiers qui, tous les deux, grimpent à flanc de coteau. C'est le sentier de droite. Non, c'est celui de gauche. Oui, c'est cela, celui de gauche. N'est-ce pas? Je ne te dirai rien, Pousset. Comme tu voudras. C'est sûrement le sentier de gauche. Celui de droite conduit aux grottes souterraines. Ainsi, tu vois, je me passe très bien de toi. C'est le sentier de gauche. Bon, voyons. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Oui, des clairières, des arbres, des carrefours, des arbres. Et là, il faut prendre soin surtout de garder sa gauche, toujours sa gauche. Tu ne me diras pas le contraire. Je ne te dirai rien. Oui, à gauche, toujours à gauche, j'en suis absolument sûr maintenant. Et on arrive à l'endroit où les chênes sont remplacés par des sapins. Et puis, une quantité de broussailles et de fourrés qu'il faut traverser. Et alors, là, il y a un passage dangereux. C'est une espèce de corniche qui longe le précipice. J'y parviendrai à la nuit, je n'y verrai pas clair. Ça ne fait rien, voyons. La corniche, c'est ça, je la revois très bien. Il y a une demi-toise à sauter, même pas. D'un côté, c'est le vide, de l'autre, la terre ferme. J'y suis. Il faut sauter à droite. À droite, c'est le ravin. Ah, tu vois bien. Tu vois bien que je risque aussi ma vie si tu ne m'aides pas, si tu ne me dis pas quel est le bon chemin. Est-ce bien celui que je viens de décrire, Janelle ? Oui. Alors, sur la corniche, à gauche ? Oui. Et puis descendre à droite et de nouveau s'enfoncer sous les arbres ? Oui, Pousset. Et suivre le ruisseau jusqu'à la poche d'eau de la grande clairière ? Oui, Pousset. Et puis c'est la longue allée de hêtres tout aux droites ? Oui. Et au fond, comme la clarté du jour dans le bout d'un tunnel, la lumière de la maison de l'ogre ? Janelle, oui, oui. Adieu, Janelle, et souhaite-moi bonne chance. N'y va pas, n'y va pas. Si, si, il le faut, je le veux. Et il faut que tu le veuilles aussi, que tu le veuilles en souriant. Sinon, tu vas m'enlever tout mon courage. Entends-tu ? Avec un beau sourire, Janelle, comme s'il n'y avait aucun péril, comme si nous jouions. Oui, c'est ça. Il part en courant. Comme si nous jouions, Janelle. Janelle qui se précipite vers la rue en criant. Non, non, on ne joue pas avec la mort et il va te tuer. Pousset, tu n'es plus de force. Et elle s'écroule au seuil de la porte tandis que le rideau tombe. Deuxième acte. C'est le soir du même jour. Il est environ 10 heures du soir. Une vaste pièce à ras de terre mais dont le plafond est comme mansardé. Face au public, une large et basse cheminée où brûle un feu rougeoyant sous une marmite de forme étrange. Au mur, des tapisseries à la fois primitives et somptueuses et au-dessus de la cheminée, des armes de toutes sortes. Les meubles sont massifs et grossièrement sculptés, mais riches. La pièce est éclairée par des torches fumantes, par d'énormes chandelles fichées dans des chandeliers pesants et par le foyer qui jette sur le tout des lueurs intermittentes. L'ensemble est insolite et barbare. Au lever du rideau, Grive, la servante, une très jolie, très fraîche et très jeune paysanne, dont l'aspect fait un contraste saisissant avec le décor, est en train de repasser du linge en chantant. Elle va de temps en temps à la cheminée et elle y échange ses fers contre d'autres plus chauds. Grive. Mais quand vous m'aurez bien bisé, gardez-vous d'en rien dire, car si mon père il savait ça, voyez-vous, il m'ôterait la vie. Landerirette, landerirette, landerirette, landerira. À ce moment, la porte s'ouvre doucement, c'est poussé. Il inspecte la pièce du regard, puis s'y glisse sans que Grive l'entende. Celle-ci continue à chanter et pousser l'écoute en souriant. Quant à ma mère, si elle l'apprend, elle ne fera qu'en rire, car ça lui rappelle le temps, voyez-vous, où elle faisait bien pire. Landerirette, landerirette, landerirette, landerira. Poussez, bravo ! Grive se retourne d'une pièce et aussitôt pousse un cri d'admiration. Seigneur ! Elle fait une révérence. Poussez, c'est ici la maison de l'ogre ? Oui, Seigneur. À vous voir, je pensais me tromper, à vous entendre aussi. Quelle jolie voix vous avez, demoiselle. Oui. Je n'ai rien connu de plus joli. Moi, si. Et quoi donc ? Vous. Pousset la regarde très amusée. Vous êtes beau. Vous êtes beau comme une lanterne. Pousset éclate de rire. Vous éclairez toute la maison. Merci, demoiselle. Je ne suis pas demoiselle, je suis Grive. Grive, mais c'est un nom d'oiseau. Je ne suis pas un oiseau, je suis la servante. Grive, j'aime votre nom, il est ravissant. Grive, c'est un nom. Moi, j'aurais voulu m'appeler Marguerite. Grive, Marguerite, plume ou pétale, vous êtes l'un et l'autre avec autant de grâce. Votre maître ne doit pas s'ennuyer. Oh, si, il s'ennuie souvent. Si vous l'entendiez bâiller, toutes les casseroles tremblent. Il est au logis, votre maître ? Non. Il doit rentrer bientôt ? Bientôt, oui. Alors je vais l'attendre. Oh, tant mieux. Elle s'approche de Pousset comme un enfant désignant le costume de celui-ci. Je peux toucher ? Bien sûr. Comme c'est doux. C'est du velours. Comme c'est doux, le velours. Et ça ? Ça, ce sont des pierreries. Des pierreries. Je voudrais avoir des yeux comme ça sur le corps. Vous préférez les blancs ou les verts ? Moi, ce sont les verts. Les blancs ne sont pas mal non plus. Oui, mais les verts. Moi aussi, j'ai une jolie robe, Seigneur. Elle court vers le bahut et en sort une robe claire. Voilà. Poussez fichtre. Elle est belle, n'est-ce pas ? Très belle. Grive comparant. Elle n'est pas aussi belle que votre pourpoint. Non. Non, elle n'est pas belle. Mais si, elle est fraîche comme tes joues. Oui, c'est mon maître qui me l'a donnée. L'ogre, oui. C'est inouï de penser que tu es la servante de l'ogre. Eh oui, tu es la servante de l'ogre et tu chantais. J'ai 15 ans, seigneur. Une petite griffe délicate comme toi, ici? Il jette un regard circulaire. Vous y êtes bien, vous? J'y suis, mais je n'y vis point. Griffe, je suis bien contente, moi, d'y vivre. Tu es contente de vivre ici? Oh oui. Tu n'aimerais pas mieux vivre ailleurs? Griffe qui va vers le pétrin et en soulève le dessus. Là? Comment là? Dans le saloir? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y avait pas grand choix. Ici, où je puis chanter, désignant le saloir, ou là? Poussé, je ne comprends pas. Griffe, chut, je dois la vie à mon maître. Il t'a sauvé la vie? Il me l'a laissé, c'est la même chose. C'est donc un bon ogre. Ni bon ni mauvais, c'est un ogre. Raconte-moi ça, je t'en prie. Un jour, je m'étais perdu dans la forêt. J'avais 12 ans. Ma mère, qui m'avait bien élevé, elle m'avait bien élevé, ma mère, était morte. Je savais repasser comme à présent et cirer les chaussures comme personne. Mon père était parti avec une autre femme. Dans la forêt, j'allais chercher du bois sec pour le feu. Un tout petit feu, un feu pour moi toute seule, puisque ma mère était morte et que mon père était parti avec une autre femme. Alors je me suis perdu. Et alors j'ai rencontré l'ogre. Elle met ses mains sur les yeux et, après un très court silence, continue de parler en refaisant l'ogre. « Belle gueule! Du gibier, belle gueule !»« Belle gueule, c'est son valet. » Poussé. « Belle gueule, ça sonne bien. » Griffe. « Oui, mais ça sent mauvais. Et il se parfume, c'est pire que tout. » Donc il lui dit « Belle gueule, c'est du gibier. Tu me le saleras. Pas maintenant, demain matin. Maintenant, elle a peur, ça donne du relent à la viande. Tu lui donneras un verre d'eau et tu lui feras faire pipi. » Alors, la nuit, pendant qu'il dormait, quel saint m'a inspiré, je n'en sais rien, j'ai fourbi les casseroles, nettoyé le plancher, repassé la veste de l'ogre à sa chemise, ciré ses chaussures. Ça s'est passé comme ça? Oui, il y a 3 ans. J'ai toujours pensé que les ogres étaient victimes de leur réputation. Griffe. Oh, mais c'est que vous n'avez pas vu comment je repasse. Elle étale la chemise. Est-ce que votre chambrière fait mieux, seigneur? Poussé. Comme elle est grande. Dame, c'est sa chemise? Poussé. Où est-il? À la chasse. Ça se sera terminé par un repas sur l'herbe avec le gibier frais. Il n'y a que la viande d'homme qu'il aime faisander. Ils se sont installés dans la forêt, lui, Belle Gueule et les chiens. Et alors, de manger et de boire. Tout ça va rentrer d'une minute à l'autre, ça fait un beau vacarme, vous allez voir. Poussé, comment s'habille-t-il quand il va à la chasse? Il met son habit brun et sa large ceinture avec des coutelas. Et aux pieds? Des chaussures. Ce sont des bottes. Oui, ce sont généralement des bottes. Des bottes ordinaires? Oui, celles de tous les jours. Ah. On ne va pas vite à pied. Griffe. Oh, que si. Avec des jambes comme les siennes, regardez. Elle déplie une longue culotte. Poussée. Mais pour les randonnées, pour les voyages, les voyages de plusieurs lieux, quand il part au loin, il a des chevaux, certainement. Ah non, pas de chevaux. Ah, il va à pied et encore à pied. Il dit que c'est meilleur pour sa santé. Est-ce qu'il porte toujours la barbe? Griffe, vous avez connu mon maître? Jamais de la vie. Je dis, est-ce qu'il porte la barbe toujours? Est-ce qu'il n'est pas de ceux qui tantôt portent la barbe et tantôt ne la portent pas pour se distraire, pour changer? Griffe, c'est la barbe qui a changé. Quand je l'ai connu, il avait une barbe rouge qui flambait comme le soleil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lune dedans. Comment? Il blanchit? C'est cela. Il vieillit. Griffe. Oh, mais ça ne l'empêche pas de vous tuer encore son bœuf d'un coup de poing. Bigre. Ni de trousser dans les chemins creux toutes les femmes qu'il rencontre. Non. Il leur mange leurs enfants, c'est tout juste qu'il leur en fasse d'autres. Et toi aussi, tu manges des enfants? Griffe. Oh, moi je mange de tout, je ne suis pas difficile pour la nourriture. Brusquement, de furieux aboiements de chiens très proches et des voix d'hommes. Griffe. Ah mon Dieu, le voilà. Elle se précipite sur ses fers et repasse avec application. Poussée se tourne vers la porte qui tout à coup s'ouvre toute grande, d'une seule poussée. L'ogre. D'une main, il tient en laisse 2 énormes molosses, de l'autre une dame Jeanne. Il a le chapeau de travers, la trogne enluminée. C'est une monstrueuse et formidable brute, mais de grande allure. Derrière lui, belle gueule, telle qu'on l'a vue au premier acte. L'apparition est telle que Poussé instinctivement recule d'un pas. Silence tendu pendant lequel l'ogre, en arrêt, fixe Poussé. L'ogre désignant Poussé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poussé qui s'est ressaisi. Monseigneur, soyez le bienvenu dans cette maison. L'ogre à Grive. Qu'est-ce qu'il chante ? Grive. Monseigneur, il dit que vous êtes le bienvenu dans cette maison. Mais je suis chez moi ? Poussé. Justement, monseigneur, le voyageur égaré que je suis vous a précédé chez vous et vous y souhaite la bienvenue. L'ogre. Ah ça ! C'est donc un bordel ici ou un moulin ? Que le premier venu peut en pousser la porte ? À Grive. Comment est-il entré ? Mais, monseigneur, je ne sais pas, je repassais, il est entré. Poussé. Je vais vous le dire, moi, seigneur, je suis entré sur un rayon de lune. L'ogre. Fous le camp ! Seigneur, c'était un rayon de la lune. Par définition, il est désobéissant et fantasque. Il m'a désarçonné au bord de la cheminée, j'ai dégringolé par le dedans et je me suis affreusement brûlé les fesses dans l'eau de la marmite. Je me fous de tes fesses ! Comme un pauvre damné, seigneur. Voyez ma situation, je ne saurais désormais chevaucher le baudet le plus émasculé, l'étoile la moins filante. Une libellule elle-même me donnerait des furoncles. L'ogre. Ha ! Il est drôle, cet imbécile. À Belle-Gueule. Rentre les chiens, toi. Belle-Gueule sort avec les chiens. Grive, qui avait surveillé la scène avec anxiété, respire en voyant l'ogre rire. Elle transporte son ouvrage dans un coin de la scène et continue à repasser. L'ogre a poussé. Qui es-tu ? Celui qui passe. Qui es-tu ? Eh, pour Dieu, beau sire, êtes-vous à ce point formaliste ? Que diable vous importe ? Connaissez-vous les états de Saturne, de Mars et du Soleil ? Non, moi non plus, mais admettons que je leur appartienne. Et d'ailleurs, si je voulais, ou mieux si vous vouliez, je pourrais sans effort vous les décrire tels que je les imagine, et ils seraient bien plus vrais que nature. Je n'aime pas ce que je ne comprends pas. Vous allez comprendre, seigneur. Vous donnez dans la terre un bon coup de talon, un coup spécial, il faut savoir le truc. Et vous montez tout droit en crevant de la tête la panse des nuages. Vous atteignez à un escalier de marbre vert. Si vous voyez que les anges volent bas, c'est certainement qu'il va pleuvoir. Ouvrez votre parapluie, il ne serait point décent d'arriver tout crotté de ciel en pays étrangers. C'est le royaume de Saturne. Ces couronnes de feu que vous apercevez, ce sont les habitants. Inutile d'emporter avec vous un briquet, il suffit de les approcher pour allumer contre eux votre cigare. Et ne craignez point de les vexer, ils trouvent ça très drôle. L'ogre. Es-tu un enchanteur ? Poussé. Il suffit de se lancer, vous en feriez autant. Je confesse d'ailleurs que c'est une question de tempérament, j'adore parler. Ah ça, mais qui es-tu à la fin ? Les autres hommes sont tellement ennuyeux. Qui es-tu ? Non, non, mon maître, encore un peu d'incognito, je vous prie. Si je vous réponds sur le mot de sérieux, nous redégringolons sur le sol, et je deviens aussitôt l'un de ces pauvres hommes qu'à juste titre vous ne supportez point. Tout de même, tu m'intrigues. Tant mieux. Avouez donc que c'est tant mieux. Où serait le plaisir ? Je suis le visiteur d'un soir, je suis le chercheur d'événements, l'amateur de pittoresques, le collectionneur de créatures. Et je manquais à ta collection. Si vous voulez. Tu n'es pas journaliste, dis donc. Ah, fi, monseigneur. Je suis celui qui vous admire et voulait vous connaître. Cela se suffit à soi-même, il me semble. Je suis peut-être duc, peut-être bûcheron, et peut-être les deux ensemble. Je n'aime pas les bûcherons. Surtout les fils de bûcherons. Qu'à cela ne tienne, je veux bien pour ce soir être duc. Mais encore un coup, laissons là les présentations officielles. Mon nom ne vous dirait rien. Je suis le voyageur. Foutre, les voyages forment l'esprit. Quand on a de l'esprit. Mais vous déplais-je toujours, beau sire, et faut-il toujours que je m'en aille ? Pas encore. Alors vous voulez bien me garder quelques heures ? Oh, n'exagérons rien, je suis fatigué. Fatigué ? Un ogre fatigué ? Ces deux mots-là jurent ensemble, seigneur, et j'espère que vous plaisantez. Oui, c'est une façon de parler. À la bonne heure. J'ai pourtant chassé depuis l'aube. Veux-tu boire ? Avec joie. Grive, donne-nous à boire. Grive s'empresse. Tu aimes la chasse ? Passionnément. J'aime tout passionnément. Comment chasses-tu ? Au faucon, à cour, au léopard. Au léopard ? Oui, le léopard fait fureur en ce moment. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on apprivoise des léopards, les veneurs les emmènent en croupe sur des coussins, et ils sautent sur les chasseurs et ils les bouffent. Ha ! Non pas. Alors ? Alors, au bon endroit, on lâche le fauve sur les chevreuils et on n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Ce n'est pas vous qui chassez, c'est le léopard. En partie, oui. Je détesterais ça. Ce qui compte, c'est le corps à corps avec l'animal, et pas avec un lièvre, avec un ours, avec un sanglier. Tu sautes sur le sanglier, tu l'attrapes par une patte de derrière, un ou deux tourniquets au-dessus de la tête, et vlan, la gueule contre un arbre, ça pète comme un citron. Poussé. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de l'esthétique là-dedans? Quoi? Griffe du vin, ce gentilhomme. Tu disais? Je dis l'esthétique. L'essentiel n'est pas de tuer plus ou moins, d'abattre plus ou moins vite. L'essentiel, c'est la manière. Nous savons tous que tuer est le but de la chasse, comme mourir est le but de la vie. Mais il y a l'art de tuer comme il y a l'art de vivre. Et ce qui en relève l'entreprise, c'est le détail qu'on y ajoute. Je n'aime pas le détail. Le détail peut-être, mais alors les détails. Il n'est au monde rien d'autre que les détails, rien d'autre que la vie diverse et palpitante des détails, et le fluide et le rythme et la couleur qu'ils recèlent pour charmer notre passage sur la terre. Et s'il est exact que rien de ce qui nous compose et de ce qui nous transforme n'est laissé au hasard, au moins dans les grandes lignes, s'il est exact que tout en est décrit et ordonné d'avance, n'est-ce point au seul détail que nous devons l'illusion de nous croire un peu libres? Ça change quoi? Notre âme. Résultat? Nous regardons la vie en face. Ha! Tous les mêmes, ces hommes. Oh, moi aussi. Toi aussi. Des tarvenus, des rabougris, des sans-défense, des révolutionnaires. Je ne le nie pas. Les rois de la création, en somme. Qui sait? Et il faut deux mouches et leur progéniture pour vider un de vos Maccabées. Qu'est-ce que ça fait, messire, si nous avons au cœur quelques constellations? Tu te prends pour une nébuleuse? Eh, nous en sortons tous. Il se peut bien qu'il nous en reste quelque chose. Ah, vraiment? Eh bien, je bois à tes petites constellations. Et moi aux grandes vôtres. Ils lèvent leur verre et boivent.